بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Donc on va continuer l'explication du livre intitulé « Les trois fondements » écrit par le grand savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc on s'était arrêté à la parole de l'auteur lorsqu'il dit « Al-Thaniya » أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc la deuxième, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah selon le sens « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. » Donc ici l'auteur, il nous mentionne l'unicité dans l'adoration. Et concernant sa définition, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala par les actions des serviteurs. Et ce qui est voulu par les actions des serviteurs, ce sont leurs adorations. Et donc au vu de cette définition, il est bon de savoir qu'est-ce que l'adoration. Il est bon de savoir qu'est-ce que l'adoration, quelle est la définition de l'adoration. Il faut savoir que les savants ont mentionné plusieurs définitions de l'adoration. Mais la meilleure est celle qui revient le plus souvent dans les livres de savants. C'est la définition qu'a mentionnée Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé « Al-Ubudiyyah ». Il dit, je cite, « L'adoration est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. » Fin de citation. Donc on constate que l'adoration est vaste et qu'elle englobe beaucoup de choses. Donc l'unicité dans l'adoration, c'est vouer l'ensemble de ses adorations à Allah, seul, mais pas seulement. Car il faut aussi croire que seul Allah mérite l'adoration. Et que l'adoration est un droit exclusif à Allah. Car comme vous le savez, certaines personnes, ils vont vouer l'ensemble de leurs adorations à Allah. Mais ils vont croire qu'autre qu'Allah mérite l'adoration. Ou bien que l'adoration qu'autre qu'Allah est légiférée. Et ceci est du shirk. Wal'iyadhu billah. Donc l'auteur, il dit, la deuxième, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Il y a quelques minutes, nous avons dit que l'auteur, ici, parle de l'unicité dans l'adoration. Mais la question qu'on se pose, C'est comment peut-on dire qu'il parle de cela alors que le mot unicité n'est mentionné nulle part dans sa parole? Donc qu'est-ce qui nous dit qu'il parle de l'unicité dans l'adoration? Donc la réponse est qu'il convient de prêter attention à la parole de l'auteur. Car il nous dit qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans l'adoration. Et donc le sens induit de cette parole est qu'Allah agrée qu'on lui voue l'ensemble des adorations. Et vouer l'ensemble des adorations à Allah, ceci est l'unicité dans l'adoration. Ensuite, l'auteur, il nous donne l'exemple de deux créatures. Et il nous dit, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Un ange rapproché, tel que l'ange Jibril. Et un prophète envoyé, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la question qu'on peut se poser ici, est-ce que l'auteur a pris comme exemple ces deux créatures par hasard, ou bien il les a choisies dans un but bien précis? Et la réponse à cette question, c'est que l'auteur les a choisies dans un but bien précis. Car l'auteur veut nous montrer que personne, mais vraiment personne, ne mérite l'adoration. Car si le meilleur prophète et le meilleur ange ne la méritent pas, alors que dire de ceux qui ont moins de mérite, tels que les pieux et autres? Et donc il y a dans la manière de faire de l'auteur un procédé qui est très intelligent. Surtout, ikhwani fillah, pour celui qui appelle les gens au tawhid et leur interdit le shirk. Imaginons qu'une personne de ta famille fait du shirk. Qu'Allah nous en préserve. Lorsque tu viendrais à le conseiller, dis-lui que l'adoration est un droit exclusif, réservé à Allah, et que même le prophète ne mérite pas l'adoration, malgré qu'il est la meilleure des personnes. Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration, alors personne d'autre ne la mérite. Donc ça, c'est concernant le deuxième point que l'auteur a mentionné. Ensuite, l'auteur, il dit, la troisième, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, pas même ses plus proches parents. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, selon le sens, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour ami ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère, ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans le cœur, et ceux qu'il a secourus, il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah et celui de ceux qui réussissent. Donc ici l'auteur, il parle d'un sujet qui est très important. Et ce sujet, c'est l'alliance et le désaveu. Et il incombe aux musulmans d'étudier ce sujet. Surtout pour celui qui vit en terre de mécréance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une brève introduction. Il est certes obligatoire pour le musulman d'aimer ce qu'Allah aime et de détester ce qu'Allah n'aime pas. Allah aime et agrée l'islam. Et au contraire, il n'aime pas la mécréance et les mécréants. Donc la personne doit aimer les musulmans et détester les mécréants. et il se doit aussi de se désavouer d'eux et de leur polythéisme. Car les savants ont défini l'islam comme étant la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de leurs adeptes. Et donc avec la définition de l'islam, nous voyons clairement qu'il faut se désavouer du polythéisme et de leurs adeptes. Et ceci n'est pas quelque chose de surérogatoire, comme le prétendent certains, ou même une chose secondaire, mais plutôt ceci est un fondement de cette religion. Et pour bien comprendre ce sujet, il convient tout d'abord de définir qu'est-ce que l'alliance et qu'est-ce que le désaveu. Donc les savants mentionnent que ce qui est voulu par l'alliance, c'est l'amour, le secours et l'aide. Le musulman doit s'allier avec les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il doit restreindre son amour. Il doit leur restreindre son amour. Et il doit aussi les secourir. Alors que le désaveu, c'est totalement le contraire. C'est le fait de détester et de se désavouer. Il incombe aux musulmans de détester les mécréants et de ne pas les prendre pour alliés. Et concernant l'alliance et le désaveu, les gens se sont divisés en trois catégories. La première de ces catégories, c'est ceux qui ont du laxisme. Ils vont te dire par exemple que les juifs et les chrétiens sont nos frères et qu'il est possible de leur souhaiter bonne fête lors de Noël ou lors du Nouvel An par exemple, alors que ceci est totalement interdit et contraire à l'islam. Le grand savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit qu'il y a l'unanimité des savants concernant l'interdiction de féliciter ou souhaiter bonne fête aux mécréants. Et certains disent même qu'ils sont chrétiens ou juifs. Ceci car ils ont de la compassion pour eux lorsqu'il leur arrive un mal. Et donc ces gens-là ont fait preuve de laxisme dans ce sujet. La deuxième catégorie, ceux qui ont de l'exagération. Pour eux, qu'Allah les guide, il faut causer du tort aux mécréants par n'importe quel moyen. Il faut par exemple faire des attentats suicides dans leur pays, voler leur argent et autres. Et ceci est sans aucun doute contraire à l'islam. Car lorsque les savants nous disent qu'il faut détester les mécréants, cela ne veut pas dire qu'il faut leur causer du tort, mais plutôt il faut se comporter avec eux d'une manière convenable, tout en les détestant et se désavouer d'eux et de leur mécréance. Et la troisième catégorie, c'est les gens de la sunna, qui, comme à leur habitude, sont dans le juste milieu. Donc après avoir mentionné en combien de catégories se sont divisés les gens dans l'alliance et le désaveu, nous allons voir en combien de catégories se divise l'alliance d'un musulman envers un mécréant. Et les savants nous disent que cela se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui est de la mécréance majeure. Et elle consiste à aimer les mécréants pour leur religion, ou de les secourir au détriment des musulmans pour leur religion, ou de les aider au détriment des musulmans pour leur religion. Et donc ceci est de la mécréance majeure. Et la preuve de cela, on la trouve dans le verset 51 de Sourate Al-Ma'idah, Sourate la table servie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: « Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa al-nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. » Allah, il dit selon le sens: « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Et Allah ne guide certes pas les injustes. Donc ça, c'est la première catégorie. Le fait d'aimer les mécréants pour leur religion. Et la deuxième catégorie, elle consiste à aimer les mécréants ou les aider au détriment des musulmans pour une chose de ce bas monde. Donc ici, ce n'est pas pour leur religion, mais c'est pour une chose de cette dunya. Et donc cette catégorie-là, c'est un grand péché. Celui qui aime les mécréants pour quelque chose de ce bas monde, ou les aide au détriment des musulmans pour une chose de ce bas monde, ceci est un grand péché. Et la preuve de cette catégorie, elle réside dans l'histoire du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hatib ibn Balta'a, qu'Allah l'agrée. Donc Hatib, radiallahu anhu, il faisait partie des musulmans qui ont participé à la conquête de la Mecque. Et avant que les compagnons rentrent à la Mecque, il a envoyé une lettre aux mécréants pour les prévenir de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été au courant de cette chose. Il a donc appelé Hatib, qu'Allah l'agrée, et il lui a demandé « Qu'est-ce qu'il t'a poussé ?» ou plutôt « Naam, qu'est-ce qu'il t'a poussé à faire cela »« Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Et Hatib lui a répondu qu'il a fait cela pour préserver ses biens. Donc là ici on voit que Hatib il a fait ça pour un intérêt mondain. Et il n'a pas fait ça parce qu'il aime leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Pourtant Hatib a aidé les mécréants. Mais son but était mondain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Et la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hatib, lorsqu'il a dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» montre que l'alliance a plusieurs jugements. Car si elle avait qu'un seul jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'aurait pas questionné. Et si l'alliance était de la mécréance majeure dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas laissé Hatib. Car Hatib aurait mécru par cette action. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Hatib et il lui a dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» ceci montre que l'alliance a plusieurs degrés. Et avant de conclure ce sujet concernant l'alliance et le désaveu, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans l'alliance, comme le fait d'aimer un proche parent, que ce soit le père ou la mère, ou une épouse, d'un amour naturel, d'accord ? C'est-à-dire un père qui est mécréant, ou une mère qui est mécréante, ou une épouse qui fait partie des gens du livre, ou autre, parmi les proches, ceci ne rentre pas dans l'alliance. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Qasas lorsqu'il dit « Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha » Allah subhanahu wa ta'ala il dit selon la traduction « Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. » Et donc ce verset concerne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son oncle Abu Talib. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle d'un amour naturel. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite l'auteur il dit « Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. » Donc ceci, comme on l'a mentionné déjà au début du livre, est une invocation et nous montre à quel point l'auteur est doux et miséricordieux. Et lorsqu'il dit qu'Allah t'oriente vers son obéissance, L'obéissance, c'est le fait d'obéir à Allah dans ce qu'il a ordonné et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit. Et le musulman doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala car il lui est soumis. Il doit faire ce qu'Allah ordonne et il n'a pas le choix dans cette affaire. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Ahzab, surat les coalisés, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah, il dit selon la traduction, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est certes égaré d'un égarement évident. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, l'assujettion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc avec ce que l'on vient de voir, on peut ici, ikhwani fillah, constater la fausseté d'une parole qui revient souvent de la part de certains musulmans, qu'Allah nous facilite et les facilite. Tu vas entendre certains musulmans aujourd'hui te dire « Je suis musulman mais non pratiquant ». Et il n'y a pas de doute que cette parole est contraire à l'islam. Car la personne qui est musulmane est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, elle pratique l'islam. Elle adore Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Elle prie, jeûne, donne la zakat, fait le hajj et elle pratique l'islam. Mais le fait de dire « je suis musulman, mais non pratiquant », ce sont deux mots qui n'ont rien à voir. Et ce sont même deux contraires. Car le musulman est soumis à Allah. Il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et il s'écarte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Ensuite, l'auteur il dit « Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiyya, milla d'Ibrahim, consiste à adorer Allah, l'unique, en lui vouant un culte sincère. » Et donc la religion d'Ibrahim, elle regroupe deux choses. La première, c'est l'adoration. Et la deuxième, c'est la sincérité, ce qu'on appelle l'ikhlas. Et la personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans ikhlas, sans sincérité, ses adorations ne valent rien, même si ses adorations sont nombreuses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt l'auteur, il dit, c'est cela qu'Allah a imposé à toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il l'a créé. Comme il a dit lui-même, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme m'adore signifie ici munifie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a imposé son adoration seul en lui vouant un culte sincère. Et les gens dans cela se sont divisés en quatre catégories. La première catégorie, c'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et ce sont les partisans du tawhid. La deuxième catégorie sont ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorent autre que lui. La troisième, c'est ceux qui adorent autre qu'Allah seulement. Comme par exemple, on peut trouver dans certains pays. En Inde, par exemple, vous trouvez que certains adorent autre qu'Allah, mais ils n'adorent pas Allah. Ils adorent certaines divinités. Ils peuvent adorer, comme certains savants l'ont mentionné, certains animaux, tels que la vache. Et certains vont même jusqu'à adorer les fourmis. Et comme certains savants l'ont mentionné, ils vont même à adorer, akramakumullah, les parties intimes, wal'iyadhu billah. Et ces gens-là n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont adorer une vache, une fourmi, un animal. Des fois, ça peut même être un chien. Mais ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième catégorie, ce sont les athées. Ce sont les athées, ceux qui ne croient en rien et qui n'adorent rien. Et lorsque l'auteur, il dit, le terme m'adore signifie ici munifie. L'auteur, ici, il s'est basé sur la parole du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, qui dit que tout ordre d'adoration dans le Coran est un ordre d'unicité, est un ordre d'unicité. Et donc l'auteur, il s'est basé sur ce hadith lorsqu'il a dit le terme m'adore signifie ici m'unifie. Ensuite, l'auteur il dit, en outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Et il y a plusieurs choses qui nous montrent cela. Il y a plusieurs choses qui nous montrent que la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité. Parmi ces choses, le tawhid est la première action qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate al-Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Aussi, le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, c'est l'unicité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Et aussi ce qui nous montre que la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser, c'est l'unicité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche par l'unicité. Et aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des compagnons pour prêcher, il leur ordonnait de commencer par le tawhid. Comme il est mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il l'envoya au Yémen, tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah. Et dans une autre version du hadith, on y trouve soit qu'il unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi parmi les points qui indiquent que la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité, et que l'unicité empêche la personne de rester éternellement en enfer pour celui qui viendrait à y entrer. Et aussi tous les prophètes, ils ont commencé leur prêche par l'unicité. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les prophètes ont tous commencé leur prêche par Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Et même l'éducation des prophètes était basée sur l'unicité et la mise en garde contre le shirk, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Surat Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Allah dit, lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. » Donc ici on voit que Luqman a commencé son exhortation par l'unicité. Ensuite, après cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Surat Luqman, ensuite Luqman il a parlé de la prière. Ya bunay aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika la min 'azmil umur. Donc il a commencé par le tawhid, ensuite la prière et ensuite les autres choses. Mais par quoi il a commencé? Il a commencé par l'interdiction du shirk, par l'interdiction du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi dans le verset 133 de Surat al-Baqarah selon le sens, « Am kuntum shuhada'a idh hadara ya'aqub al-maut, idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida, wa nahnu lahu muslimun. » Allah il dit dans le verset 133 de Surat al-Baqarah selon le sens, « Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils, « Qu'adorez-vous après moi ?» Et ils répondirent, « Nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique à laquelle nous nous sommes soumis. » Donc ici on voit que même avant de mourir, les prophètes s'assurent que leurs enfants sont bien sur le tawhid. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit « En outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser l'unicité et consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. » Donc, là, ici, l'auteur, il nous parle de l'importance du tawhid. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que l'auteur ici, lorsqu'il parle du tawhid, il définit le tawhid par l'unicité dans l'adoration. Car il dit en outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Donc là, la question qu'on se pose, pourquoi l'auteur, il a mentionné la définition de l'unicité dans l'adoration. Et pourquoi ne pas avoir mentionné l'unicité dans la seigneurie? Et la réponse à cette question, car les litiges et les divergences entre les prophètes et leur peuple ont certes été dans cette catégorie d'unicité, c'est-à-dire les litiges étaient dans l'unicité dans l'adoration. Car comme nous allons le voir, Inch'Allah, dans les quatre règles, les koufars de Quraysh et l'ensemble des polythéistes reconnaissaient en règle générale l'unicité dans la seigneurie. Mais les litiges et les divergences étaient et sont encore dans l'unicité dans l'adoration. Ensuite, l'auteur il dit, et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, qui consiste à adorer une autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah selon le sens « adorer Allah et ne lui donner aucun associé ». Donc l'auteur ici, il nous mentionne que la chose la plus importante qu'Allah a interdit est le polythéisme. Ceci pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que l'association est le pire des péchés. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le pire des péchés. Et il a répondu an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et aussi car le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si la personne viendrait à mourir sur celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Et aussi car le shirk est le seul péché qui interdit la personne de rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Al-Ma'ida Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Et il est bon ici de mentionner la définition du shirk. Il y a certes plusieurs définitions du shirk que les savants ont mentionnées dans leurs livres. Mais l'une d'elles, c'est que le shirk, c'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est propre. L'une des définitions du shirk, c'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est propre. Et les choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala sont de trois types. La première, c'est la seigneurie. La deuxième, c'est l'adoration. Et la troisième, c'est les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, le shirk se divise en deux catégories. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousned. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » Lorsqu'on le questionna à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il s'agit de l'ostentation. » Et donc les savants, ils ont tiré de ce hadith que s'il y a un polythéisme mineur, cela veut dire qu'il y en a un aussi qui est majeur. Et concernant la définition du polythéisme majeur et mineur, le polythéisme majeur, c'est toute parole ou action ou croyance déclarée par la législation comme étant du polythéisme et qui implique que la personne sort de la religion. Donc la personne qui viendrait à faire du polythéisme majeur, d'un point de vue général, elle sort de la religion. Alors que le polythéisme mineur, c'est toute parole, action ou croyance déclarée par la législation comme étant du polythéisme, mais qui n'inclut pas, ou plutôt qui n'exclut pas, la personne de la religion. Donc la personne qui viendrait à faire du shirk mineur, tel que juré par autre qu'Allah, c'est quelque chose de grave, mais elle ne sort pas de la religion pour autant. Ensuite, l'auteur, il dit, « Donc si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître, réponds, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. »